Chapitre 22e. On peut me parler ainsi, pensait la jeune cantatrice assise sur le petit canapé de sa chambre, dans l'état de découragement qui suit les grandes indignations. Il y a des hommes qui croient avoir le droit de m'insulter, froidement, de propos délibérés. Comment me justifier? Qui me sauvera? Qui leur criera à la face « Vous mentez lâchement ?» Ariane n'attendait de secours de personne. Aussi prit-elle dès lors la résolution de se retirer de plus en plus du monde au milieu duquel elle vivait. Le sacrifice fut accompli sans apparat, sans retour amer, et même sans regret. Ce monde n'était pas fait pour elle. Elle n'y pouvait rencontrer aucune sympathie sérieuse. Elle le traverserait comme un oiseau de passage parcourt les pays qui le séparent du nid. L'art était sa vraie patrie. C'est dans l'art qu'elle trouverait les joies qui la récompenseraient de tant de peines. Cette résolution lui inspira ce grand calme qui se posait sur elle de temps en temps à la fin de ses luttes intérieures. 2 années la séparaient encore du terme fixé par elle pour ses peines. Elle en prit la fin sans effort et sans impatience. Le lendemain de ce bal, la princesse parut au déjeuner avec l'air affable et courtois qui faisait partie de son visage. Cette sérénité qui ne se démentait jamais n'était pas jouée, car la princesse, suivant une expression vulgaire, n'était pas de ceux qui se laissent démonter. Les calamités n'avaient pas épargné sa tête aristocratique. Elle avait aimé et pleuré un mari jeune. Mais avec les années, elle s'était fait une sorte de philosophie résignée, que son visage annonçait à ceux qui n'étaient pas admis à partager ses pensées secrètes. Disons que le nombre de ceux à qui elle communiquait ses idées était extrêmement restreint. Ce fut donc avec un visage souriant qu'elle déjeuna en compagnie des 2 jeunes filles. En se levant de table, après avoir écarté sa fille sous un prétexte insignifiant, elle passa dans la serre pour y prendre le café, comme d'habitude, et tout en marchant, elle dit à Ariane de sa voix mélodieuse « Le général Trembov s'est permis, je crois, avec vous, quelques plaisanteries peu convenables. » La jeune artiste pâlit et réprima un frisson, mais elle devait répondre et répondit « Oui, princesse. » « Eh bien, fit la grande dame en s'asseyant, il ne reviendra plus. Je vous dis ceci, mon enfant, pour que vous compreniez combien j'ai à cœur de vous défendre contre toute impertinence. Vous ne serez point offensé si je vous demande, de votre côté, d'être aussi prudente que possible. Sur ce point d'ailleurs, je n'ai point d'inquiétude. » Elle sourit. Ce sourire congédia Ariane, qui murmura quelques paroles de remerciement et se retira plus loin. C'était une protection, celle-là, et bien inespérée. Pourtant, la jeune fille se sentit froissée. La princesse aurait dû comprendre qu'elle n'avait pas besoin de lui conseiller la prudence. Cependant, Ariane fit taire son regret et s'imposa de ne penser qu'au bienfait. L'hiver s'écoula de la sorte. Rien ne dérangea l'ordre des soirées des théâtres, des réceptions de toute espèce jusqu'au carême. Ariane apparaissait au bal de la princesse, dansant avec quelques jeunes gens insignifiants quand on manquait de vis-à-vis, et se renfermait dans une atmosphère de glace si elle voyait s'approcher quelques cavaliers plus brillants. Cette sage conduite lui valut en maintes circonstances les éloges de la princesse, qui ne pouvait s'empêcher d'admirer tant de retenue et de discrétion. À plusieurs reprises, elle lui exprima toute la satisfaction qu'elle ressentait à la trouver digne de son estime et de sa confiance. Par là, Ariane se fit une amie, et la princesse n'était pas femme à donner facilement son amitié. Parmi les jeunes gens insignifiants avec lesquels Ariane dansait parfois, se trouvait Constantin Ladoff. Il était de bonne famille. Autrement, la porte de la noble maison ne se fût pas ouverte devant lui. Il possédait quelques milliers de roubles de revenus, mais c'était peu de chose dans un milieu où le luxe le plus extravagant était considéré comme une des premières conditions de l'existence. Il avait pour lui un grand avantage, c'était de n'avoir aucune parenté et d'être absolument libre de ses actions. Mais qu'importait cet avantage à des gens accoutumés à chercher, dans les familles des gens qui les entouraient, des leviers ou des marchepieds vers une fortune plus rapide ou plus considérable? Constantin Ladoff était donc un jeune homme aimable et sans conséquence. De plus, au lieu de revêtir l'habit militaire qui donne tant de grâce et qui conduit rapidement aux places en vue, il avait eu la malencontreuse idée de prendre du service dans un ministère. Or, un fonctionnaire civil est à 100 pic comme prestige au-dessous d'un militaire. Officier de la garde, Ladoff eût été un brillant jeune homme. Employé dans un ministère, il n'était plus qu'un gentil garçon, ce qui n'était pas du tout la même chose. Les mères russes laissent trop volontiers voltiger autour de leurs fils ces jeunes gens sans conséquence qu'elles ont vu grandir, qu'elles tutoient souvent. Ils leur paraissent aussi insignifiants que les insectes des soirs d'été. Peut-être elles-mêmes trouvent-elles une jouissance secrète d'amour-propre à se voir courtiser, adorées par ces gamins aimables. Elles sont pour eux moins que des mères, presque des tantes. Avec l'âge, l'enthousiasme juvénile disparaît. Mais l'amitié, la confiance, l'estime réciproque restent presque toujours. C'est là ce qui explique la grande quantité de jeunes gens de 25 à 35 ans qu'on rencontre dans les salons des femmes d'environ 40 ans, qui ont renoncé à la coquetterie, mais non au délicat plaisir d'être flattées et encensées. Malheureusement, ce beau tableau a son côté sombre. Les jeunes filles qui grandissent dans cette atmosphère de déférence courtoise et chevaleresque y prennent l'habitude de la coquetterie journalière, passée presque à l'état de nécessité. « Maman est si belle et rit si bien avec les jeunes gens. Pourquoi sa fille n'en ferait-elle pas autant ?» Mais maman, si elle le voyait, gronderait sévèrement sa fille. Aussi la jeune demoiselle se garde-t-elle bien d'employer son petit arsenal de gentillesse et de ruse sous les yeux de sa mère. Elle fait la coquette dans les petits coins, en présidant au thé qu'elle fait servir dans le grand salon, pendant qu'elle-même retient autour de la table, couverte de friandises, les jeunes gens encore en disponibilité, ou bien qui sont relayés dans leur office de cavalier servant auprès de la châtelaine par les nouveaux arrivés. Constantin Ladov papillonnait donc à l'aise chez la princesse Orline, et celle-ci lui accordait autant d'attention et de bienveillance qu'à quelques beaux chiens de race habitués à venir manger du sucre dans sa main. Ladov était sans conséquence. Rien ne l'empêchait d'aller y venir l'après-midi ou le soir, d'apporter de la musique, d'accompagner Ariane quand on la priait de chanter, de jouer à quatre mains avec Olga quand celle-ci était contrainte de se mettre au piano, ce qui lui arrivait le plus rarement possible. C'était Ladov qui se chargeait de procurer des billets de concert ou de spectacle. C'était lui encore qu'on envoyait chercher des glaces quand on avait trop soif. Mais ce n'était pas lui qui les payait. La princesse ayant déclaré une fois pour toutes qu'elle n'acceptait rien de personne, excepté les attentions et les politesses. Ariane savait que Ladov était un jeune homme sans conséquence. La princesse s'était librement expliquée à ce sujet, un jour qu'Olga s'étendait un peu trop longuement sur les mérites de cet aimable garçon. Aussi s'était-elle permis de causer quelquefois avec lui et même de lui donner une sorte de clé de son âme. Constantin Ladov, seul au monde, savait à quoi pensait Ariane lorsque ses yeux étranges semblaient se retirer du monde des vivants pour regarder un rêve intérieur. Il le savait pour l'avoir demandé. « À quoi donc pensez-vous, mademoiselle, quand vous ne voyez plus personne ?» Ariane l'avait regardé un instant et avait répondu de sa voix grave « J'entends quelque chose qui chante en dedans de moi. » Constantin l'avait regardé à son tour et n'avait pas répondu. Ce silence par lequel elle s'était vue comprise avait ouvert le cœur d'Ariane. Avec Ladov, elle pouvait parler d'art, car il aimait passionnément la musique. Avec lui, elle se sentait estimée et honorée. Un jour, s'enhardissant à parler pendant que tout son être était glacé de terreur à la pensée de la réponse qu'il pouvait lui faire, elle lui avait demandé « Savez-vous, monsieur Constantin, qu'on a dit beaucoup de mal de moi ?» À quoi le jeune homme qui avait entendu en effet répéter ces calomnies dont Ariane était victime avait répondu en haussant les épaules « Les imbéciles, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes bien trop bonne de vous en souvenir. » À ces paroles, Ariane avait fermé les yeux pour savourer la joie chaude et lumineuse qui venait de passer en elle. Elle était donc estimée de ce jeune homme blond, aux yeux bleus, au visage honnête et intelligent. Elle avait un ami. Un autre jour, cet ami, après avoir causé une heure avec elle, Olga avait fait tous les frais de la conversation, lui dit tout à coup « Vous êtes la meilleure créature qu'il y ait au monde. Si j'avais une sœur, je la voudrais comme vous, ou plutôt, je voudrais que ce fût vous. » « Je ne voudrais pas que vous fussiez mon frère, » pensa Ariane. Mais elle ne mit aucune amertume à cette pensée et tendit amicalement la main à celui qu'elle lui voulut voir lui appartenir par un lien plus proche et plus intime que la fraternité. Peu à peu, elle s'habitua à laisser Ladov pénétrer dans son cœur. Il eut une place dans ses pensées de chaque heure. Jusqu'alors, elle avait cherché dans les rôles qu'elle étudiait l'expression poétique et passionnée du sentiment maternel. Elle y chercha l'amour et le trouva. Sa voix magnifique, fit frémir les cordes du piano dans des accents de tendresse exaltée qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Il y a donc autre chose que l'art ? Se dit Ariane vaincue en sentant pénétrer en elle la douceur d'un sentiment qui amollissait les fibres trop tendues de son âme. « Je ne m'appartiens plus. S'il le voulait, je renoncerai au théâtre. » C'était le plus grand sacrifice qu'Ariane put faire. Elle l'offrit à Constantin dans le fond de son cœur, mais personne n'en eut connaissance, car les résolutions d'Ariane étaient un secret entre elle et sa conscience. Constantin était loin de rêver ce sacrifice, aussi loin de le rêver que d'en soupçonner la cause. Il allait venait comme un maître dans le cœur de l'orpheline sans s'en apercevoir, car il avait dit l'expression exacte de sa pensée. Il l'eût voulu sa sœur, et rien de plus. Il l'eût voulu sa sœur parce qu'elle aimait Olga, et qu'il était amoureux fou de la jeune princesse Orline. Olga, tout en maribaudant pour ne pas perdre ses droits, n'était pas d'humeur à se laisser entraîner dans une coquetterie réglée. Elle se souvenait encore trop bien de l'Institut pour que l'idée de se commettre le moindre peu par une parole ou un simple regard ne lui fît pas éprouver une impression désagréable. Aussi avait-elle brusqué la dove dès l'offrande timide de ses premiers hommages, et brusqué assez pour qu'il crût prudent de se retirer pendant quelque temps. C'est pendant ce temps où, amoureux timide mais résolu, il regardait son idole, qu'il fit mieux connaissance avec Ariane, et qu'il s'en fit aimer, certes sans le vouloir. L'hiver s'était écoulé, puis le printemps. La princesse avait loué une magnifique villa à Pavlovsk, car elle aimait la vie mondaine, et se décidait rarement à aller s'enfouir, selon sa propre expression, dans ces terres lointaines. Cet été-là fut plein de jouissances exquises pour Ariane. Elle ne savait de la nature que ce que les arbres du jardin de l'Institut avaient pu lui apprendre. Les fleurs, la verdure, les nids et les ombrages du grand parc de Pavlovsk versèrent à flot dans son âme les émotions neuves et délicieuses d'un aveugle qui ouvrirait les yeux à la lumière. Elle ignorait si c'était l'amour naissant ou la beauté des vieux arbres qui faisait chanter en elle tant de voix inconnues. Que lui importait ? Les voix chantaient et elle les écoutait en extase. Cela suffisait à la remplir de joie.